Exercice 5, page 48. Été, épée, aîné, aider. Heureux, peureux, deux œufs, deux yeux. Hébreu, crémeux, les bœufs. Les dieux. Pleurer. Peupler. Meubler. Beurrer.